Je m'appelle Birdie Duck. Enfin non, je m'appelle Birdie Duck parce qu'il fallait bien un nom pour porter une voix qui n'est pas exactement la mienne, mais pas totalement étrangère non plus. Birdie Duck est l'avatar d'Emmanuel Humeau, c'est moi. Professeur de sciences économiques et sociales, ancien professeur de sciences politiques, professeur de droit et de grands enjeux du monde contemporain. Par le passé, j'ai aussi enseigné la macroéconomie, l'économie industrielle et même crimes de jeunesse, les mathématiques et les probabilités à l'université de Poitiers et dans des IAE comme assistant de recherche. Si j'écris sous la forme d'un avatar, ce n'est pas par coquetterie littéraire, c'est pour dissocier ce que je publie ici de mon activité professionnelle stricte. Une manière de créer une distance, une respiration, une protection aussi. Et pourtant, en écrivant, je me suis aperçu d'une chose troublante. J'écris avec le même style que lorsque j'étais étudiant, surtout dans les dernières années, comme si le temps, ce mauvais comptable, avait laissé intacte une certaine musique intérieure. Birdie Duck pose donc un regard un peu mélancolique, parfois tendre, parfois aigri, sur les faits économiques, sociaux et politiques. Rien de plus, rien de moins. Mais pourquoi écrire ainsi? Au départ, presque par accident. La plupart des premiers textes sont des réécritures de cours rédigés pendant la période du Covid. Il fallait bien continuer à échanger avec les élèves, je m'étais dit que c'était le bon moment pour écrire l'intégralité de mes cours, et puis, chemin faisant, je me suis aperçu que j'aimais écrire. Pour l'instant, beaucoup de ce qui est publié relève encore de la réécriture. Ensuite seulement, la réflexion s'est étendue. Certains de ces textes existent d'ailleurs sous une autre forme, sur un autre blog, Birdie Duck Année Zéro. Écrire, je l'ai compris tardivement, n'était pas seulement un moyen de transmettre, mais une activité en soi. Et puis il y a aussi une question de style. Les sciences humaines et sociales, manquent cruellement de ce que j'appellerais, faute de mieux, une forme de poésie. Dire la vérité est une obligation. Mais dire la vérité de manière imbuvable est un choix qu'ont fait beaucoup de chercheurs et d'intellectuels. Alors il faut être honnête, il y a très peu d'auteurs en sciences humaines qui soient réellement agréables à lire. C'est peut-être une honnêteté personnelle. J'ai aimé lire Keynes, et je ne sais plus pourquoi, je l'ai lu il y a longtemps et je l'ai dévoré. Même chose avec Boudon, allez savoir pourquoi encore. Je me souviens aussi, même si cela était moins académique, avoir aimé lire Daniel Cohen, et il y a d'autres noms, je ne les aimais pas tous, mais il y a surtout d'autres chercheurs et d'autres génies dont l'écriture m'a semblé pénible. Alors évidemment, c'est subjectif. Chez beaucoup de grands, la lecture devient une épreuve d'endurance. Schumpeter encore, ce n'est pas le pire. Marx, je ne nie pas la puissance intellectuelle, mais Le Capital est pénible à lire et prétendre le contraire relève souvent de la posture. Quant à Bourdieu, que nombre de collègues trouvent sublime, je n'ai jamais réussi à dépasser durablement l'agacement stylistique, malgré l'intelligence indéniable du propos. Lui qui parlait tant de violence symbolique l'exerçait massivement sur ses lecteurs. Enfin, c'est ainsi que je l'ai perçu. Je ne suis pas un savant. Au mieux, je suis un vulgarisateur et sans doute pas le meilleur. Mon rôle, si j'en ai un, consiste à tenter de simplifier des pensées complexes, à les rendre lisibles et surtout à les humaniser, sans les trahir, sans les édulcorer. Et c'est ce que j'essaie de faire, sans les transformer en parcours du combattant syntaxique. À les humaniser en prenant plaisir à ce que je fais, retoucher les mots, les tournures, glisser une remarque acide. Je me vois plus comme celui qui taille son bonsaï avec amour, même s'il termine en une somme de branches toutes nues, que comme quelqu'un qui aurait la moindre prétention intellectuelle. Si j'écris autant en ce moment, parce que je vais bien finir par être fatigué, c'est peut-être pour une raison très simple. J'ai découvert que j'aimais ça, alors que cela m'était insupportable quand j'étais élève. Certains font leur potager, d'autres bricolent ou tricotent, d'autres cuisinent. Moi, je cuisine aussi et j'écris. Birdie Duck est une sorte de double, pas tout à fait moi, pas très loin non plus, j'essaie de le maintenir aussi neutre que possible, je ne suis pas là pour attaquer les libéraux, ni pour célébrer les interventionnistes, ni pour prêcher pour ou contre le marxisme. Je vais quand même avoir du mal avec le fascisme, s'il revient, je préfère prévenir. Je présente des théories, je présente aussi des faits que je passe à la moulinette des grilles d'analyse. Enfin, pourquoi le nom Birdie Duck ? Birdie Duck, et je dois l'avouer, était mon nom de gamer. Et je me suis construit mentalement un monde autour de ce nom. Celui qui s'adresse à vous dans ses articles, Birdie, pas Emmanuel, est un homme dont je n'ai pas encore écrit l'histoire, et il le faudra sans doute. Retenez les quelques informations que l'on a pour l'instant. Il a connu la Grande Peste, c'est vous dire s'il est vieux. Il porte d'ailleurs, mais on ne sait pas depuis quand, un masque de médecin de la peste. Ses habits évoluent avec la mode et avec les groupes dans lesquels il s'insère. Il a rencontré les grands. Il a discuté avec eux. Ils sont toujours vivants. Dans sa tête. Il a aimé. Il aime toujours.